prophète Sacha d'Israël. Il y a un autre, bon, c'est un autre qui s'appelle, il y a un autre qui s'appelle le père de la ville, Afumbouli. Le père de la ville. Le père de la ville. Et quand on va aller à Nord, d'accord? Oui, allons d'ici. Attends frère, on va aller à Nord. Parce que je sais que vous en avez une main avec eux là. Oui, allons-y, Quand tu arrives, tu as mal au ventre. Oui. Tu vas, il prend juste sa pochette. Oui. Il pose sur le ventre. Oui. Et voilà parfois une chair de viol qui sort sur ton ventre. Et puis le mal descend. Et vous faites accouchement. Oui. Moi j'avais suivi ça à la télé, c'était un témoignage. Donc en fait, après, c'est bon. Il y a mon oncle qui a emmené sa petite soeur là où je suis. Oui. Elle était vraiment prête à mourir. Parce qu'il priait d'abord là-bas. Oui. Il a dit, la pasteur, moi ici, ma soeur. Attends, attends, doucement, on va aller doucement. On fait bien là, parce que c'est vous avez trop à dire. Oui. Il lui a dit, viens alors avec ta soeur. Il a dit, bon, prenez 3 jours de jeûne. Oui. Ils ont pris 3 jours. On parle de qui là maintenant? De Afumbouli, celui qui fait le père de la ville. Oui. Et donc, le troisième jour, mon oncle a dit, donc il y avait de la fumée noire. Oui. Qui sortait de notre temple. De son corps. De son corps. Oui. Mais c'est comment non? Il avait dit, on l'avait fusillé spirituellement. Donc ça, ça sort maintenant. Oui. Donc après, elle a transpiré et jusqu'aujourd'hui. Elle va bien. Elle va. Maintenant, elle, lui, il a conçu, il a aussi les membres aussi. Le pasteur. Non, celui de la ville, vous appelez le chef de la ville, le père de la ville. Il a beaucoup de membres aussi. Oui. Il a aussi la télévision. Non. Lui, il passe souvent à téléphone. Et il fait sa publicité là. Il fait des solutions. Il montre des témoignages. Il fait sortir les morceaux de sardines, les capas, les pigas. Ils ont les bouts de noix et tout ça. Il est présent. Oui, on a le film comme ça. Oui, frère, dis-nous, tu étais aussi parti. Moi, je voulais dire que lui, il explique avec notre même pasteur qui est là, tu nous l'as. Ok, on a remis, on a dit que toi, tu es le capitaine du groupe. Bon, on a. Ah, non. Il aime, hein. Oui. Voilà. Il aime bien, j'aimerais bien qu'il accède au salut. Le jour d'agisseur. Amen. Enfin, vous parlez de qui au juste? Là, on parle de Francis Tinouna, le plus grand des pranamistes ici. Dans qui? Tinouna. Tinouna. Ah. Oui. Lui aussi, il revient de Louzoulou, du gars. De la montagne, là. Voilà. Il a quitté Jérusalem pour venir dans la ville. Voilà. il a été là-bas quand il était tout petit. Hein. Oui. Il est là-bas parce que son papa était. Le président adjoint, donc le représentant de ce Guillemine à Pointe-Noire, oui. Le papa de ce pasteur. Oui. Donc lui, c'est un branamiste, mais si je fais 2 heures de prédication, vous écoutez une écriture et le reste, frère Branham a dit. Et il dit, oui. Tout ce que Branham a dit, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est terrible. Il est déjà encore prêche. Il a sa télévision. Oui, ah oui, il a sa télévision. Il est richissime. Il peut avoir une 5 voitures. Et là, il est sorti là-bas, pourquoi? Il a donné son histoire, pourquoi il est sorti de là-bas? Oh, il dit juste là-bas, quand il était jeune, il est sorti de là-bas, il est parti dans le message. Oui. Il a été chez un monsieur qu'on appelle Condé, c'est lui qui fait apparaître le Saint-Esprit chez lui. Chaque parrain d'éclair. L'éclair? Oui, chez Condé. Et là, il est la petite Bethléem, son Donc pendant qu'il y a Jérusalem, là-bas, il y a le petit Bethléem, il y a le char. Vous êtes Israélien, vous êtes donc, à venir nous l'avons les 12 tribus d'Israël, sont dirons. Donc, quand tu rentres chez lui, une grosse photo de Branham. Oui. Et une grosse photo de l'éclair. De le Jésus Branhamiste. Oui. Que avait devenu Hoffman. Oui. Voilà. Donc, lui, quand il prêche, il dit l'ange commence à descendre. Un éclair comme ça, donc une lumière passe. Ça passe là, il est. Dès que ça passe. Attends, c'est vrai que vous me dites ou bien non, c'est vrai. Toi également, tu as vu. Attendez, ça n'est pas la vie, il dit ça, l'éclair pas. Oui, il le fait, mais tu vas descendre. Si vous êtes attendu, tout à l'heure, un éclair. Oui. Tu as assisté à ça. Et tu as eu peur. Moi. Oui. Frère, quand il fait ça, oui. Les gens quittent même le fond de la salle, ils enlèvent de l'autre. Oh, on vient de le Seigneur. Tu comprends que le gars il veut même monter. C'est condé. Oui. Non, non. Et celui dont vous dites qu'il est le plus grand dans la vie, il lui aussi sort. Non, lui, il est devenu grand. Là, c'est fort de l'écouter la vie. Lui, il est devenu grand à cause de la télévision. Lui, par contre. Oui. Les mêmes disciples qui font une prédication. Oui. Les mêmes frères qui sont là-dedans. Oui. À la fin, la prédication est vendue à 2000 francs de CDI. Celui qui a la télé là. Oui. Il vend des prédications. Un macro. Un vrai macro. Il demande à tout le monde de cotiser pour qu'il lance la télé. Oui. Et une fois que la télé est opérationnelle, la télé est à son nom. Donc tout est à son nom. Oui. Dans le bénéfice, ne sont même pas divisés selon les deux, ceux qui sont dans le nom. Il rafle tout. Lui, il dit quand tu prêches, oui. C'est lui qui avait dit que quand un chrétien se déshabille, les anges fuient. Parce que les anges ont peur du sexe. Ouais. Et lui, dans les anges fuient, lui, c'est lui qui s'est dit, il disait quand tu veux prier dans ta maison, il faut regarder à la direction où se trouve leur temple. Non, pas surtout à l'aime, eux. Leur temple. Le il faut regarder la direction de leur temple. Pourquoi ce temple? À l'image de Daniel qui regardait Jérusalem. Qui est leur temple. Voilà. Donc ça c'est leur temple. Lui-même quand il prêche, il dit, quand je prêche, si quelqu'un est touché, si la parole te touche, faut pas pleurer là-bas, faut quitter là-bas, venir pleurer à l'hôtel là. Donc c'est drôle, c'est l'hôtel de nos holocaustes ou des parfums, on ne sait jamais. Donc ça dit que si vous prenez la télévision, vous pleurez, prenez le taxi, venez pleurer à la radio. Non, ceux qui sont dans l'enceinte. Oui. Faut venir, mais puis il a du monde. Il peut être même dans les 6000 membres. Mais là, je pose la question. Celui de la montagne de Jérusalem a oui. Du monde, mmh. Externement. Mmh. Celui des chars de Dieu a du monde. Mmh. Et tous sont démantelés. Celui dont tu parles oui. A du monde. Oui. Vous pensez que qu'est-ce qui ne va vraiment pas avec les gens ici? Ah, mais c'est l'égarement à l'état pur, hein. C'est plutôt. Quand il n'y a rien, bon, peut-être que je n'ai pas tout vu, hein. Oui. Mais j'ai quand même passé mon temps à sonder les pasteurs, à les écouter. Oui. Il y a rien. Je n'en connais même pas un. Si j'en connaissais un, je, entre guillemets, je communierais mieux avec lui. Je n'en connais même mais pas. Tous les dimanches, c'est les gens font des campagnes, ils font des bulles. Là. Mm-hmm. Les bulles, là, vous voulez dire, c'est pour rien. C'est pour rien. Des campagnes. Il y a aussi le gars là qui a planté son truc. Là. Cartamou, le bourreur. Ils vont partir, apparemment il est de chez vous ici. Il est, ouais, il est congolais, il est congolais, au coin du noir déjà même. C'est ça. Nous avons vu un ami récemment sur télé, la ICCTV. Oui, ici. Une fois, on s'y va avec madame, dernière, mon rôle, il y a déjà. Prière en l'ordre, mais il n'y a que deux mots qui sont faits. Choper au carabin. Il a fait même deux heures, en fait, c'est la même chose. Le Saint-Esprit est à prier, choper au. Moi, j'aime pas le temps de ton frère. C'est votre frère. Il faut soutenir l'œuvre, non? Oh, c'est une œuvre diabolique. Vous voulez se le soutenir l'œuvre, mon frère? Oui, celui qui n'est pas plus grand, on parlait de femme tout à l'heure, là. Lui, il revient de là. Il revient de ce Francis, là, voilà. Ah. Lui, il revient de là. Frère, je lui avec lui, j'ai souffert. Ma femme, elle me disait, arrête même de causer avec lui. Non, tu témoignes, hein. Oui. Mais pourquoi tu réponds que... Il pourrait te poser 10 fois la même question. Oui. Mais parce qu'il ne comprend pas, il ne comprend pas. Mais quand il te regarde, déjà pour les avec tes 3 femmes, il dit donc, toi, tu penses que tu peux mieux voir que le résultat. Qui a 6000 membres alors que toi, tu es là avec... Oui, tu vois des triomphes. Voilà. Il dit, oh. Oui. Qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu quoi en parcourant les illuminations? On a aussi la dame là. Oui. Celle qui est du ministère de l'aura. Celle qui envoie le feu. Là, moi, c'était pas la dame. Maman, vous avez c'est deux personnes différentes. Hein? Vous avez dit qui? Non, non. Du ministère de maman Oulam, bizarrement, de son ministère. Oui. D'autres sont dérivés. Mais dans la même conception. Oui. Tuer, éliminer, brûler. Et quelle est l'implication dans les familles? Ah, mais ça a apporté beaucoup de divorces, oui. Beaucoup de séparations et beaucoup d'enfants abandonnés. Hein. Beaucoup de familles sont séparées parce qu'on te dit ta maman est sorcière, oui. Donc il ne faut pas produire. Chez eux, on ne côtoie pas le sorcier. Mm. Si c'est ton mari, il faut vous séparer. Ah, tu envoies le feu, les missiles. C'est que j'aime ceux qui imitent même le son des missiles. Oui. J'envoie le missile, tchou, il fait comme boum. Donc, et quand ça fait le micro là, ça tombe bien. Bien sûr. Le feu, fire.

Celui d'envers les hommes. Bon, on va à la fin. Elle est timide, il est timide. Oui, frère. Je l'amorce, non, oui. Je l'amorce d'abord avant de revenir chez moi. Oui. Elle, tu permets, hein? Ok. Elle, c'est le... Comment on appelle ça? Attends, je cherche le mot. Elle, c'est le dot. Oui. Elle, elle incarnait une divinité à elle seule. Mais... Je présente pas elle. C'était une grande sorcière. Oui. Quand c'est la psycho. Elle, elle priait dans un bon. Elle a été emmenée par son mari. Leur divinité ou leur grand maître, on s'appelait Ayevada. Donc, elle, quand elle priait. On plus dit ici, alors. Au nom de, elle priait au nom de Ayevada. Oui. Donc, il y avait des. Ayevada, tu as dit quoi? Ah, c'est elle même qui peut mieux expliquer ça. J'amorce juste. Peut-être un peu plus y penser. Il n'avait pas expliqué la séquence, son nom? Oui, avant dans la conversation. Oui. Parmi quelques groupes, elle arrivait au moment où elle laissait son corps être utilisé par cette divinité. Par notre sirène à nous, là, cette hygiène. Oui, là, tu peux te prendre un whisky tirant comme ça. Elle boit ta descente. Hein, maman. Et dès qu'elle prenait ça, oui. Elle était dans une trance bizarre, en trance. J'ai jamais demandé comment est-ce qu'elle a fait pour partir et tant posséder à ce point-là, mais elle a. Elle était devenue une grande parmi les... Non, j'arrive là, mais j'arrive, je vais lui poser la question, j'arrive, c'est bon. On interroge qui... Vous savez, quand il s'agit de l'interrogation, celle-ci, elle devient niaise. je peux l'interroger. Il n'y a pas de problème. Ça va? Comment tu te sens depuis que je suis ici? Depuis que tu as entendu ma voix, comment tu te sens? Dis-nous comment ça s'est passé alors, c'est que l'événement, à moins si tu veux pas raconter. Quoi, l'événement dont il le frère Théba nous a parlé. C'est un mauvais souvenir pour toi. Hein? Non, j'ai pas fait un petit peu de choses, hein, parce que j'étais dans la salle d'habitude, là-bas, j'ai traité de gens traditionnels. Ça, c'est intéressant. Recule-toi, viens. Il y a un portable ici. Attention, attention au portable là. Recule bien, viens à côté de moi. Frère, toi, parce que tu as sommé, il a dormi là-bas. Viens. Voilà. À tout à l'heure. Voilà. Voilà. Sens-toi à l'aise, d'accord? Tu vas te détruire. Non, ça va éduquer beaucoup de gens, les gars. Je dis, c'est pour. Tu étais thérapeute à l'église. Mm-hmm. Quelle église déjà? Fraternité. Fraternité. Mm-hmm. Mais c'est fondé par qui? Ça, c'est un chrétien aussi toujours, ou bien c'est notre groupe? Non, au fait, c'est une association. Ils sont comme des ministères. C'est notre volet, notre façon. Mm-hmm. C'est comme des et c'est un groupement des églises dans oui. L'organisation. Donc c'est interdénominationnel. Ouais. Donc ils sont dans les dénominations de dimanche, là ils se regroupent, chacun sa croyance, mais il y a la croyance principale. Mm-hmm. Et les parents et les juridiques étaient dans les groupes de mariage pratique. Ça faisait aussi des déplacements dans les villages, ça partait dans les grottes, ça avait prié, ça des religions, des choses. Dites-nous comment tu es devenu donc. Une thérapeute de l'église. Oui, parce que bon, j'avais des dons spirituels avant que j'arrive là-bas parce que j'ai quitté la chez les protestants. Oui. Lorsque j'ai rencontré mon ami, celui qui m'a vendu là-bas, j'avais déjà mes dons spirituels là-bas. Oui. Je suis arrivée une année, deux ans après. Ça m'intéressait quand je voyais les autres. Oui. J'essaie de rentrer parce que j'ai mes dons spirituels, j'ai envie de rester là, nous souvent prier le dimanche. Donc dans ce groupe-là, il y avait différents ordres. Quels sont les différents échelons dont ils étaient question? Enfin, je sais pas. Et moi, j'étais focalisée sur la thérapie. Oui. Bon, qui initiait le domaine de la thérapie? Qui initiait ça là-bas? Qui conduisait? Il y avait des grands qui étaient là. Ou bien qui? Oui, comment ils le faisaient? Ils le faisaient comment? Comment ils ont fait pour t'inculquer l'initiation à la thérapie? C'était comment? On venait juste les mardis. On s'assoit, on fait un cercle, on crie, on chante, on invoque. On invoque qui? Je sais pas, il y avait des...